Sur des paroles de Christine Charbonneau, voici une chanson qui est tout à fait récente puisque c'est mon nouveau 45 tours et je suis fier de vous la présenter. La Dame en bleu. Il y en a beaucoup ce soir. Quelle est la belle inconnue? La dame en bleu, seule à sa table. Je me sens fou de l'avoir vue, comme j'aimerais qu'elle me regarde. Je n'ai jamais vu s'ennuyer une femme avec tant de charme. Et si j'allais lui parler, peut-être qu'elle pourrait m'aimer à cause d'un regard. Se reverra, que ce n'est pas l'histoire de soir. Je veux te garder dans mes bras, de peur de ne pas te revoir. Toi, ma belle, belle inconnue, viens danser encore une fois. J'imagine ton corps nu qui m'invite à chaque pas. À cause d'un regard, maintenant plus rien ne nous sépare. Je suis amoureux de la dame en bleu. Toi, ma belle, belle connue, tu m'attires et tu me charmes. Tu m'attires et tu me charmes, tu m'as rendu amoureux.